mon rythme. Pas trop lent, pas trop rapide. Les types qui m'entourent ont l'air bien plus à l'aise. Je m'accroche à eux comme une frite à sa merguez. Je commence à ne plus savoir où je suis. Mais tout d'un coup, j'ai un flash. Je suis à un barbecue avec des copains. Et là je me dis, je sais ce qu'il me manque. Je cours, mais après...